Le jeudi 23 février, ici Dominique Lelièvre et vos informations. L'attentat contre la mosquée de Sainte-Foy s'est invité ce matin lors du colloque annuel Trauma Défi organisé par le Centre hospitalier universitaire de Québec. Le docteur Julien Clément, chef du programme de traumatologie du CHU de Québec, a échangé avec un médecin de Paris sur la réaction lors des attentats. Tous les deux ont convenu que la communication était la clé du succès. Le docteur Clément a estimé que la réponse des services médicaux le 29 janvier était appropriée et satisfaisante, mais il a dit que les relations entre les services hospitaliers et policiers gagnerait à être mieux planifié. À quelques heures d'inaugurer son bureau à Québec, la multinationale Uber est déboutée par la Cour suprême du Canada. Le plus haut tribunal au pays n'entendra pas la cause d'Uber qui contestait les mandats de perquisition qui ont permis à Revenu Québec de faire des saisies dans son bureau de Montréal en 2015. Revenu Québec tente de démontrer que l'entreprise a procédé à une fraude fiscale. Le directeur général d'Uber Québec, Jean-Nicolas Guillemette, réagira cet après-midi alors qu'il se trouve à Québec pour inaugurer les nouveaux locaux de l'entreprise dans le quartier Saint-Roch. Il souligne également le deuxième anniversaire de l'arrivée du service de covoiturage urbain dans la capitale nationale. Scène politique, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, affirme qu'il est ouvert à discuter d'un éventuel élargissement de l'aide médicale à mourir. Le meurtre par compassion d'une femme souffrant d'Alzheimer en début de semaine à Montréal a relancé ce débat. Le ministre Barrette reconnaît que la loi québécoise sur les soins de fin de vie adoptée en 2014 comporte certaines limites. Plus tôt ce matin, le député caquiste François Bonnardel a ajouté sa voix à sa collègue péquiste Véronique Yvon pour réclamer à ce que soit revue cette loi. Et enfin, quelques 330 ambulanciers de Québec reprennent la grève pour 5 jours à partir de minuit. C'est la deuxième fois ce mois-ci que les ambulanciers de la région sont en grève. Leur syndicat affirme que les négociations avec le gouvernement sont dans une impasse. Sans convention collective depuis 2 ans, ils demandent de meilleures conditions salariales et un meilleur régime de retraite. Ils reprochent également au gouvernement de s'être retiré des négociations. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. C'est gris aujourd'hui, des nuages et des averses même cet après-midi avec risque d'un orage. Les vents sont présents à 30 km/h et rafales à 50 cet après-midi. Il fera 6 aujourd'hui. Ce soir et cette nuit, les averses cessent en soirée. Ce sera partiellement nuageux par la suite et les températures oscilleront autour du point de congélation. Demain vendredi, c'est nuageux, de la pluie débutant le matin, maximum de plus 2 demain. Et pour la fin de semaine, de la neige ou de la pluie samedi, 7 degrés. Et dimanche, il fera 0 degré avec de la neige.